Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net, c'est pro net. Repêchage de la Ligue nationale de hockey ce soir. Ça aura lieu à Dallas sur le coup de 19h. Beaucoup, beaucoup de tractations, beaucoup de pourparlers qu'on entend à gauche et à droite. Et on en parle avec... Je devais y parler, j'ai fait mes au revoir pour l'été, mais finalement, j'avais oublié qu'il y avait le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Yves Bolduc. Salut Yves! Salut Danny! Yves, évidemment, ça va être le fun ce soir parce que autant les partisans du Canadien n'ont pas eu la vie, ont pas eu beaucoup de plaisir, autant cette année, ce soir, je pense que ce repêchage-là est très attendu. J'aimerais savoir les codes d'écoute parce que le Canadien parle au troisième rang. Évidemment, si on dit que c'est un excellent repêchage, beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont avoir un impact pour leur équipe, entre autres. Et comment tu vois ça, toi? Ben moi, Danny, je suis un petit peu moins optimiste que toi dans le sens où les années passées là, nous ont rendu un peu amers de ce que le Canadien faisait. Ouais. Alors, je pense que ce soir, les partisans des Voltigeurs de Drummondville vont être beaucoup plus heureux que ceux des Canadiens de Montréal parce qu'on a déjà entendu les belles promesses des Canadiens. D'ailleurs, hier, dans le point de presse en début de soirée de Marc Bergevin, il se contredisait là, d'une ligne à l'autre. Là. Il n'était pas question d'échanger Max Pacioretty. Et à la sortie du point de presse, là, nos collègues du 98.5, Martin McGuire et Danny Dubé, là, confirmaient qu'on devrait annoncer dans les prochaines heures une transaction avec Max Pacioretty en direction des Kings de Los Angeles. On lui a demandé son intérêt par rapport aux joueurs québécois. Il a dit que c'était très, très intéressant. Très, très important pour le Canadien, ouais, les joueurs québécois. Ils n'en ont pas repêché dans les deux dernières séances de sélection, là, en passant. Le dernier, c'est Simon Bourque, en passant. En sixième ronde, en 2015. Hey, ça commence à faire un bout, là. Sixième ronde, là. Exactement. Alors, ça fait plusieurs années qu'ils n'en ont pas repêché. Puis lorsqu'on a voulu en parler plus précisément au niveau des quatre choix de la deuxième ronde, ben il est revenu avec sa cassette là que ça va toujours être le meilleur joueur, peu importe sa nationalité. Donc moi je m'attends pas à rien du Canadien, bien honnêtement là, parce que je sais pas s'ils ont une urgence de faire des transactions parce qu'avec la nouvelle le nouveau plafond salarial là, qui va augmenter de 5 millions, le Canadien avec la transaction de Galchenyuk. Et si jamais il faisait également la transaction avec Pacioretty, là, aurait plus de 25 millions disponibles pour les joueurs. Maintenant, il y a toutes sortes de rumeurs. On entend ce matin là que les Sabres de Buffalo auraient un intérêt là pour le troisième, la sélection numéro 3 du Canadien en retour du joueur Ryan O'Reilly. Moi, je suis un peu partagé également là, dans ce sens-là parce que c'est pas un prospect, là, Ryan O'Reilly. Oui, si on regarde ses statistiques, là, il faut faire attention parce qu'au niveau statistique, il y a des meilleures statistiques que Patrice Bergeron. Mais est-ce qu'il cadre vraiment dans l'échiquier actuel du Canadien, là, qui se serait départi de Galchenyuk et possiblement de Pacioretty? Il se retrouverait pas mal seul là, avec un Jonathan Drouin où on se pose pas mal de questions. Mais si on revient en tant que tel à la séance de sélection, ben ce qu'on semble unanime me dire là, c'est que Rasmus Dahlin sera le premier choix. C'est évident. Un consensus qui est évident. Et qu'au deuxième rang, eh bien, les Hurricanes de la Caroline là, mettraient la main sur Ouais, le Andrei Svechnikov des Colts de Barry. Ce qui veut dire que là, le Canadien aurait une grosse décision à prendre. Est-ce qu'ils vont y aller avec un joueur de la Ligue junior majeure du Québec, qui serait Philippe Zadina, ou serait plutôt tenté par Ketchuk, là, dont le nom Brady? Moi, c'est ni un ni l'autre. Moi, j'irais avec Jesperi Kotkaniemi, le Finlandais, là. C'est un joueur de centre. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de joueur de centre. À un moment donné, là, ils ont dit que c'est un joueur qui s'est développé énormément. Il est excellent au championnat du monde des moins de 18 ans. 6 pieds 2, 181 livres. Donc, je pense que lui et Ryan Pelling, dans les prochaines années, si on repêche les deux, la ligne du centre va être très solide. Autant elle l'a pas été dans les 20 dernières années, là, autant ça peut être intéressant. Ouais, j'aime beaucoup ton enthousiasme, Danny, là, ouais. Sauf que c'est un message qu'on a déjà entendu. Là. C'est des choses. Ça serait un autre Européen là, qui va probablement arriver avec ses conditions, qu'il doit terminer l'armée en Finlande. Ça va prendre du temps à le développer. Puis, on avait les mêmes. On avait les mêmes aspirations là avec Lekkonen et puis quand on regarde après deux saisons avec le Canadien, c'est un joueur respectable mais sans plus. Je pense pas que c'est un joueur qui va devenir une grande vedette. Ça c'est parce qu'on le développe mal. C'est pas pareil. Peut-être là, mais est-ce que tu peux m'assurer que demain matin là, on va mieux développer les joueurs? Mais je pense qu'avec Joël Bouchard ça va changer. Honnêtement là. Oui, c'est sûr que Joël n'est pas directeur du développement. Par contre, il va être très, très occupé. Il va être très, très, très, très sollicité là-dessus, de ce niveau-là, d'après moi. Là. Ben, ça sera à voir, là, parce qu'il ne faut pas oublier que Trevor Timmons est toujours dans l'entourage. Il n'y a pas eu de gros ménage qui a été fait au niveau de l'état-major, à part Rick Dudley qui a quitté pour la Caroline et quelques recruteurs là, qui ont été remerciés à quelques heures du repêchage. Puis. C'est un geste qui est questionnable dans le sens où ces hommes de hockey-là là, sont au courant des listes des joueurs du Canadien, là, donc que les joueurs qui pourraient intéresser le Canadien. Alors, c'est un geste qui est un peu questionnable. Puis en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi, Danny, là, j'ai mes doutes. Oui, on a engagé Joël Bouchard, oui, on a engagé Dominique Ducharme. Est-ce qu'ils auront vraiment un impact à l'intérieur de l'état-major? Est-ce qu'ils réussiront vraiment à faire tourner le vent là, puis à faire accepter à Claude Julien de changer ses méthodes dépassées puis d'y aller avec des jeunes? Puis ça, j'ai un gros bémol là-dessus. Okay. C'est pour ça que je suis pas plus optimiste. Mettons que je suis stable là, au niveau de ce qu'on pourrait avoir ce soir là, avec le Canadien. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt, là, les partisans des Voltigeurs de Drummondville, ben oui, les autres, du Québec, eux, ça va être le gros party, là, parce qu'ils possèdent le meilleur attaquant québécois, Villeneau, le meilleur défenseur québécois et le meilleur gardien de but québécois. Le Virdré. Et les trois devraient sortir dans la première ronde, là, selon ce que j'entends. Moi, je pense que ça va être plus la deuxième ronde. Là, de Villeneau, oui, mais les deux autres, plus deuxième ronde. Mais je veux te parler, mais ça, c'est ton opinion, puis c'est mon opinion. Mais je veux te parler justement des quatre choix de deuxième ronde. J'espère, je prie le bon Dieu, qu'on va les repêcher, les quatre joueurs. Puis qu'on ne commencera pas à faire des transactions à Andrew Shaw, tu donnes deux choix de deux pour un joueur. Ou encore, donner deux choix de deuxième ronde pour un premier ronde, je suis d'accord. Mais qu'on prenne cette année-là, là, de tous les joueurs qu'on a, là, et que... Qu'on fasse une banque de joueurs. Il n'y a rien, mais rien. À part Ryan Pelling, Ryan Pelling qui est un bon espoir. Yolson, ça va être un quatrième ou cinquième défenseur. McCarron, je pense que c'est terminé. Il n'y a rien. Oui, et puis dans le cas de Ryan Pelling, là, je veux dire. Il y a le deuxième choix l'an passé qu'on dit très bon, là, de Carl Brook, là. Ouais, mais encore là, on dit là, c'est les joueurs, c'est les recruteurs du Canadien qui nous disent ça, puis leur bilan est pas très bon. Donc moi là, je me fie pas tellement à ce qu'ils vont nous dire là. Ils nous ont déjà dit que David Fisher serait bon, que Brent Bilodeau serait bon. Puis on en a une liste là. Danny Michael Christo. McCarron, mais je me rappelle que Michael McCarron, on le comparait à Milan Lucic là. Exactement. Oui, t'as raison, c'est au niveau de l'encadrement, au niveau du développement, au niveau de l'encadrement, parce que on semble vouloir tirer la balle souvent dans le camp de la Ligue américaine, là, mais c'est le Canadien qui chapeaute le club de la Ligue américaine, donc s'ils font pas leur travail à ce niveau-là, peu importe le gars, l'homme de hockey que tu vas placer là, il va composer avec ce qu'ils vont lui donner. Puis ce qu'on remarque au niveau de l'attitude, ben à Montréal, il y a un gros problème. Ils sont pas capables d'avoir le contrôle sur l'attitude de leurs joueurs. Ils sont pas capables d'avoir le contrôle de leurs joueurs. Puis Danny, moi je voulais juste te rappeler, là, puis t'as posé une question importante là. Au cours des dernières années, là, on a échangé Piqué Souban, Mikhail Sergachev, Alex Galchenyuk, et on a reçu en retour Shea Weber, Jonathan Drouin et Max Domi. Est-ce que tu aurais fait cette transaction-là? Pas du tout. on n'a toujours pas de joueur de centre numéro un. Mais je dois être honnête, par contre. Weber, j'étais pour l'échange. Je disais j'ai toujours dit, puis je le dis encore, à court terme canadien, long terme Nashville, sauf que court terme, je me suis mis un doigt dans l'œil parce que je me dis, il a pas joué l'année passée. Donc là, on s'en vient dans les années où le Weber, là, ça va venir très, très cher sur le plafond salarial. Là. Ça va venir très pesant. Et on commence à voir, ça va commencer d'ici l'an prochain. Là, ça va venir assez pesant son contrat. Drouin, on était. Tu sais, c'est facile à dire après, hein? Ben oui, mais mets-toi dans la position du directeur général des Predators de Nashville, qui lui laissait partir supposément un des meilleurs joueurs de défense de la Ligue nationale pour acquérir un problème qui arrivait de Montréal, parce que la description qu'on avait de Piqué Souban, c'était que c'était un gars qui faisait du trouble, qui était difficile à gérer, mauvaise attitude. Mais ce ne sera pas un joueur qui va être 10 ans dans la même équipe, si je peux te dire ça. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, là, ça arrive plus non plus, ça. Non. Et après deux saisons, là, c'est 2-0 Nashville. Mm. Puis honnêtement, même si Shea Weber serait en top shape l'an prochain, je vois pas comment le Canadien là, pourrait se classer parmi les meilleures formations de la Ligue. Non, c'est sûr. Quatre choix de deuxième ronde, donc ça va être un excellent choix, un excellent repêchage pour les Légion du Québec. Il y a eu des années que c'était pauvre, là ça va être excellent. Nicolas Beaudin, semble-t-il, intéresserait le Canadien selon Stéphane Leroux. J'ai entendu. J'espère que le Canadien va repêcher au moins deux joueurs du Québec. C'est le minimum, je pense, pour ça. Là. Du côté des Saguenay, il y a quand même quelques joueurs qui pourraient être repêchés. Kotkov, le Russe, Samuel Aude également. Zachary Boutillier, t'en vois-tu au moins un des joueurs des Saguenay être repêché? Oui, il y aura certainement un joueur des Saguenay qui va être repêché. Kotkov, 6 pieds 4, peut être vu comme un projet? En 4e, 5e ronde, là? On va voir ça vers la fin de la séance de sélection. Là. Je pense pas que ça va aller en 4e, mais peut-être au cours des trois dernières, 5, 6e, 7e ronde. Jamais oublier là, que l'aspect des Européens là, vient souvent chambarder là, la séance de sélection. Puis nous, quand on regarde la liste là, ce matin, ben c'est sûr qu'on regarde les noms des joueurs des premières rondes, là, mais il faut aussi y inclure les gardiens de but. Ouais. Quand je te disais que moi, j'ai certaines informations qui disent qu'il y a d'autres équipes qui sont intéressées à Nicolas Beaudin. Il y a des équipes également qui sont intéressées à Olivier Rodrigue. Puis ça, ben en première ronde, fin de première ronde, là, c'est des joueurs qui vont être surveillés parce que tout peut déclencher rapidement là, au niveau de si la séance de sélection part, c'est tous des défenseurs qui s'en vont, ben les équipes vont vouloir aller chercher rapidement éléments pour pas attendre parce qu'ils vont quitter. Alors c'est la même chose pour les gardiens de but. Lorsqu'il y en a un qui va sortir, on sait que les trois premiers là, proviennent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Rodrigue Gravel, il y en manque un, là. Le gardien de but Kevin Mandelis des Screaming Eagles du Cap-Breton. Alors, ce qu'il va falloir faire, là, ça va être de regarder les besoins de certaines équipes. On sait que à Montréal, c'est pas le cas, là. Mais lorsqu'il y a un gardien de but qui sort, ben là, les autres équipes se disent oh, là, faut pas que j'échappe lui. Peut-être qu'il y a une équipe là qui se disait actuellement, là, bon, par exemple, là, Alexis Gravel, c'est notre choix au niveau du gardien de but quand viendra le temps. Mais si Olivier Rodrigue sort en première ronde, là, le temps y arrive parce qu'il est classé numéro 2. Alors, ça peut chambarder beaucoup de décisions qui vont être prises. Et il peut avoir également, moi je m'attends à avoir beaucoup de transactions. Est-ce qu'il y aura beaucoup de transactions en première ronde? Je ne le sais pas, mais ça peut changer les besoins des équipes parce qu'exemple, si jamais le Canadien mettait la main sur Ryan O'Reilly, qui est enfin le joueur de centre, là, en tout cas pour l'instant, là, ça serait le joueur de centre numéro un du Canadien, ben là, ça change un peu les données de tout le monde. Et là, peut-être que le besoin n'est plus d'avoir un jeune joueur de centre, c'est peut-être un défenseur. Alors là, il pourrait se tourner sur Noah Dobson. Il y a plusieurs options. Puis avec Marc Bergevin, qui dit une chose d'une ligne, puis qui dit d'autres choses sur la deuxième ligne. C'est normal, ça. Yves, on va faire une pause et on revient dans quelques instants. Je vais te parler du repêchage de la Ligue du Junior du Québec que je suis allé voir il y a quelques semaines. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellet et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regatdesaintfélicien.com. On est de retour à danradiosport.com. Yves, je veux te parler, je veux terminer là-dessus parce que je suis allé au repêchage de la Ligue Junior du Québec il y a 2-3 semaines. J'ai aimé mon expérience, par contre, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Moi, j'ai dit que je couperais 4 rondes le repêchage. Il y a des gens qui ont dit, qui étaient d'accord avec moi, il y a d'autres qui ont dit que c'était une affaire unique pour... c'est une journée unique pour les jeunes d'avoir un chandail et d'être repêché. Tu sais, je comprends leur point de vue. Par contre, dans tous les repêchages, il y a des joueurs qui partent, je te parle du niveau professionnel, qui partent la tête entre les deux jambes et qui sont invités comme joueurs autonomes par la suite. Pourquoi qu'on ne fait pas ça, là? Tu sais, quand tu es rendu dans le juvénile scolaire, je trouve ça long, puis pesant. Ouais, mais c'est une tendance qu'il va falloir s'habituer, là, parce que le hockey scolaire prend de plus en plus de place... Je te dirais que même les formations juvéniles scolaires, la Ligue de hockey préparatoire scolaire, la LHPS, là, il y a beaucoup de plus en plus de joueurs qui sont sélectionnés de ce côté-là. Ça, c'est une tendance qui va être prise parce que les parents là préfèrent que le joueur puisse faire ses entraînements à l'école. Il joue ses matchs en après-midi dans la semaine, donc la fin de semaine sont libres. Alors, c'est une tendance qu'on va voir. À savoir maintenant, sur la durée de la séance de sélection, oui, c'est long. Par contre, il faut penser que lorsqu'on fait déplacer ces jeunes-là, tant que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va tenir un événement qui est semblable à celui de la Ligue nationale de hockey, je douterais qu'on va couper le 4, 3, 4, 5 rondes, là, parce que tu peux pas faire déplacer un jeune de Halifax pour 4 heures de pêchage. Donc, c'est un événement. C'est la seule ligue d'ailleurs de la Ligue canadienne de hockey qui tient encore un repêchage de ce style-là. C'est un événement, c'est une occasion pour les équipes également de tenir leur assemblée annuelle, de recevoir certains commanditaires. Alors, je doute que ça arrive à ça, mais il va falloir qu'ils se penchent sur éventuellement là, peut-être le format. Parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, je suis allé voir en Ontario, puis dans l'Ouest, il y a 14 rondes, mais il y a des équipes qui passent leur tour à partir de la 12e ronde. Puis ça se fait de façon électronique aussi, par contre. Le système de passer, là, c'est parce que ta liste de joueurs est pleine. Là. Donc, à partir du moment où tu n'as plus de place sur ta liste, c'est sûr que tu te mets à passer. Là. Ça, c'est dépendamment de si tu as réussi à éliminer tes choix de dernier tour pour les rapprocher dans les rondes précédentes. Mais définitivement qu'il va devoir avoir une façon de penser à ce niveau-là. De toute façon, là, si on remarque dans les dernières années, ça se garoche pas non plus dans la Ligue junior majeure du Québec pour recevoir cet événement-là. Là. On se rappellera que Sherbrooke l'a eu 2 années consécutives, même si c'était très, très bien organisé. Là, Sherbrooke l'a réussi de belle façon. Puis là, on parle de Québec l'an prochain. À ma mémoire, là, je pense qu'on a déjà été à Québec il y a 6 ou 7 ans. Donc, on fait pas le tour de la Ligue parce qu'il y a des équipes. Je pense pas qu'on va aller un jour à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or. En tout cas, si on y va, Ce sera exceptionnel là, dans ces cas-là, peut-être conjointement avec un anniversaire d'entrée dans la ligue, des choses comme ça, mais c'est sûr que la formule va être à repenser parce que c'est pas du tout la même chose là, que la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est vraiment un show également avec leur compagnie, les commanditaires, les gens qui sont partenaires de la Ligue nationale au niveau affaires là, sont invités à assister à ça. C'est un gros show. Puis je pense pas que ça change. OK. Yves, on se reparle lundi pour analyser tout le repêchage. Ben d'accord, on va se parler lundi, Danny, ça va me faire plaisir. Yves Bolduc, notre collaborateur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.